pressé, pensant que plus vite il ira et plus la vie l'aidera à comprendre. Il a décidé d'arrêter d'attendre. Pour ceux qui par peur du faux départ sont restés bloqués dans les starting, notez que dans l'humeur massacrante des files d'attente, y'a une place à prendre. Moi je sors de ce casse-tête sans appel à casse-tête, à tactique et pips. J'oublie pas Mister One, Air Dirty, le labyrinthe et Yellow Finger. Pas trop fort, il tient debout sur un fil. Sur un fil qui borde un précipice où son sort peut dégénérer, partant du principe qu'en un battement de cils son cœur peut décélérer. L'humain est stressé, du moins d'être à deux mains et pressé, pensant que plus vite il ira et plus la vie l'aidera à comprendre. Il a décidé d'arrêter d'attendre. Special mission today. I know it's the one that I call lyrics and voice. Yeah. Leads them life. People from the street. As the one that I call lyrics and wife from the jungle. Strictly a lion. So me go so introducing this mixtape volume 2 from this posse me I call the quality street. Looking forward, not in the backward, making things right for the youth them life. People from the street, people in other city, people in other country, and people in other town who fi wake up to this and come in, come in, come in, come in. Worldwide, worldwide, yeah. Righteous people, eyes on the world. To Princeton, I don't know. Yeah. Something that's a, something that's a, something that's a, hey. The work got different. Minimum demand. Missed it on my mind. All the evil men blend. Rasta men. Guys, the judgment. Hey. Guys, the judgment. Blend me, keep my sight. Out of my side, rise on. When the morning comes, me look up to the sun. This is my escape. Me last breath in the falling train. Setting me free at last. Destitution of kings and queens from the evil. Turn them out. I said strength and courage to the government. Make them the weak, men, the poor, and the pilgrims. And I wasn't born in Bridgetown. And I wasn't born in Bridgetown. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Seeking for a better future. I moved to Princeton all alone. Something got so all alone. I get enough, I get enough. Hey, and me so sad, so let me grow like a flower. Let me flow like a bird, reaching a rainbow. Sound like another in anger, like it's thunder. Impressive and mafia, junkie, what's wrong we are? In a tent city, that is drop, cause they won't stop. And now we block up on the donkey seat, they're so creepy. And now we are conversing, our baby team. Defend this ghetto, yes, it's partially. Du niveau de... les pros. Je reviens agile comme bébé tôt. Get ma technique, je suis physique. Numéro 1 au classement des tchatcheurs. La division 1 ne me fait pas peur. Le Kaiser du rap, le roi, le pape mène l'attaque et les sponsors attaquent. On m'attaque et j'évite les tacles. C'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles. Je me balade sur le terrain musical. Je tue au micro comme je shoote dans la balle. Sur ta console, tu luttes à kick-off. Moi je marque des buts même à dinosaures. Je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basile Boli. Oui j'en veux comme Roumenigue. Je mouille mon maillot quand je suis au micro. C'est un Batman Jam sur le beat. Prêté par la secte aux Virgin AC. Ma tchatche est brossée, tous mes mots sont cadrés. Même Mark Landers en tombe à la renverse. À l'aise dans mes copas, il est en diadora. Je suis le prince du parc Guadala. On fait la hola pour Umbro Gineco. Et ouah, pour Cantona. Rescapé de la grande époque des verts. Je remonte le score quand ma clinique perd. Vainqueur de la coupe, des vainqueurs de coupe. Le lion indomptable a de la force dans ses shoots. J'ai le ballon d'or, le micro d'or, le soulier d'or et des disques d'or. Les hooligans sont Gan Morgan de moi. Et comme ils disent vive le roi. C'est moi qui arrache la qualification. Je marque de la main et empoche le pognon. Ce soir, je vous mets de l'huile sur le feu. Coup de sifflet final, pas de prolongation. J'ai mené le bal, repasse-toi mes actions. J'ai des millions de francs cachés dans mon jardin. Je bois du cacolac, ça c'est Jean-Pierre Papin. Le foot c'est ma traque comme la musique. Y'a des requins, pas d'échange de maillot. Tu pourrais prendre mon flow. Thank you. Let's go. around the world. Over.